Oh, yeah, to wapi mwanye Pie loko langa shirie Santimo makaronie Ni babu na kabeta Seka mbae liliye Ndoto nanga mama Seka mbae liliye Nisara nanga nambato Seka mbae liliye Lole mweme makoma ya shiri Omote mama La main dans la main, l'amour est le guillet. Oh maman, maman, les îles est gagné. Chérie, avec le single, mon témoin.